Mariette, ma fille, dit Lisbeth à la cuisinière qui vint lui ouvrir la porte, comment va ma bonne Adeline? Oh bien, en apparence, mademoiselle, mais entre nous, si elle persiste dans ses idées, elle se tuera, dit Mariette à l'oreille de Lisbeth. Vraiment, vous devriez l'engager à vivre mieux. D'hier, madame m'a dit de lui donner le matin pour 2 sous de lait et un petit pain 1 sou, de lui servir à dîner soit un hareng, soit un peu de veau froid, en faisant cuire 1 livre pour la semaine, bien entendu, lorsqu'elle dînera seule ici. Elle veut ne dépenser que 10 sous par jour pour sa nourriture. Cela n'est pas raisonnable. Si je parlais de ce beau projet à monsieur le maréchal, il pourrait se brouiller avec monsieur le baron et le déshériter, au lieu que vous, qui êtes si bonne et si fine, vous saurez arranger les choses. « Eh bien, pourquoi ne vous adressez-vous pas à mon cousin ?» dit Lisbeth. « Ah, ma chère demoiselle, il y a environ 20 à 25 jours qu'il n'est venu, enfin tout le temps que nous sommes restés sans vous voir. D'ailleurs, madame m'a défendu, sous peine de renvoi, de jamais demander de l'argent à monsieur. Mais quant à de la peine... Ah, la pauvre madame en a eu. C'est la première fois que monsieur l'oublie si longtemps. Chaque fois qu'on sonnait, elle s'élançait à la fenêtre. Mais depuis 5 jours, elle ne quitte plus son fauteuil. Elle lit. Chaque fois qu'elle va chez madame la comtesse, elle me dit « Mariette, qu'elle dit, si monsieur vient, dites que je suis dans la maison et envoyez-moi le portier, il aura sa course bien payée. »